un vieux qui est en ménage avec une petite jeunette. Ah. Et alors, comme il n'a plus sa vigueur de 20 ans, il se limite à lui bouffer le cul. Et bon appétit. C'est live. C'est agréable. Et un matin, la nénette se lève. Elle est pliée en deux. Elle n'en peut plus. Elle fait « Oh, ben dis donc, mon salaud, tu me l'as tellement bouffé hier soir que j'ose pas m'asseoir tellement j'ai mal. Hey, quand tu auras fini de papoter, tu me rendras mon dentier qu'on déjeune. »